Lui donne des conférences en passant, juste réplique, donne des conférences, entre autres, à Chicoutimi, Montréal, Joliette. Je crois que c'était lui, je vais vérifier, mais je crois que c'était l'imam dont on a passé des extraits la semaine passée. Oui, et c'est ça qui est important sur le Ramadan. De souligner, c'est que c'était à ton émission, à Montréal Live, que ce monsieur-là a été exposé pour la première fois. Alors, des audios qui étaient en exclusif, exposés en exclusivité, puis on avait fait des commentaires. Mais ce qui est important, c'est que dans l'article en question, aucune mention du fait qu'il y ait à la ville de Québec. Il est présenté comme un imam qui vient de la région de Montréal. Et à l'époque, quand le monsieur avait été exposé à Montréal-Live, c'était l'aumônier des musulmans, membres de l'association étudiante musulmane de l'Université Laval. Et ça avait suscité assez d'effet qu'il y avait des auditeurs de l'émission qui sembleraient auraient contacté l'université pour exprimer qu'ils étaient scandalisés de savoir que quelqu'un pouvait prêcher des enseignements aussi radicaux à des membres de la communauté musulmane à l'intérieur de l'université. Diplômé de l'Université Laval, ma chère, en ingénieur, en génie électrique, Université Laval, donc, qui s'est défendu en disant « Non, c'est pas vrai, nous autres, on fait pas ça. » Bon, oui, mais c'est un diplômé de l'Université Laval qui a jasé. Non, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il prêche pas chez nous. Ce qui a été exposé, c'est qu'il était, il prêchait dans une autre mosquée à l'extérieur des lieux. Alors, même s'il fréquentait l'Université Laval, c'était pas grave parce que cette prêche-là spécifiquement était pas à l'université. Ben oui. Non, on a vu. Alors, on a un problème de radicalisme et c'est rendu maintenant le sujet. Pour la première fois, Barack Obama, il y a quelques jours, a utilisé le mot djihad. Alors qu'il avait fait des grands efforts pour l'omettre dans son vocabulaire. Il y a maintenant une enquête qui se fait sur le réseau des frères musulmans en Angleterre pour voir le rôle que les frères musulmans peuvent avoir sur la radicalisation des gens à l'intérieur de l'Angleterre et le rôle qu'ils peuvent avoir avec le radicalisme violent, c'est-à-dire le terrorisme à l'extérieur de l'Angleterre. La même chose est en train d'arriver ici au Canada, des enquêtes sur spécifiquement les activités des frères musulmans qui opèrent dans différents pays, donc au Canada, en France, en Angleterre et aux États-Unis. Lui, quand il fait ses tournées au Québec, Joliette, Chicoutimi, Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce que ça peut, entre guillemets, créer des dommages? Je veux pas semer en panique, c'est pas ça le point. Là. Le point, c'est, avec ses discours, dans des mosquées, est-ce qu'il peut créer des dommages, c'est-à-dire attirer des têtes un peu folles, des gens qui n'ont pas de jugement, à vouloir s'intéresser à ça et avoir des idées croches. Est-ce que ça peut faire des dommages? J'ai récemment été invité parce que en Syrie, il y avait une brigade, un leader d'une brigade qui faisait un feu, un rituel, et qui avait dit que le Canada, ce serait le prochain théâtre de combat djihadiste au monde. Et pourquoi on mentionne ça? C'est parce que souvent, ce que les autorités, les gens qui s'occupent de notre sécurité, ce qu'ils disent, c'est que ce qu'il va falloir craindre, c'est lorsque les combattants syriens vont revenir au Canada. Le problème, c'est qu'ils sont radicalisés avant de partir. Voilà. Comme et en là, France, c'est là que problème. Je commence à répondre à la question. C'est que ces gens-là, monsieur Chaoui, a l'air d'avoir tout à fait le profil d'un salafiste probablement financé par l'Arabie Saoudite. Il enseigne une vision du djihad, il enseigne une vision de l'islam qui est tout à fait arrimée avec celui de l'Arabie Saoudite. Il faudrait pas se surprendre qu'il y a des gens qui fréquentent ce monsieur-là qui pourraient se retrouver ou qui se retrouvent déjà en Syrie, par exemple. Très bon point. Donc, une radicalisation. Ce qu'on voit, ce dont on a parlé en Ontario, ce dont on a parlé aux États-Unis, homegrown terrorism. Je dis pas que t'es terroriste, le gars, là. J'en parle de radicalisation qui peut déboucher sur des actes malveillants. Donc, une radicalisation locale commence dans des lieux de rassemblement comme les mosquées, comme les centres communautaires, avec des conférences de ce genre d'individus-là. C'est ça que tu dis? Oui. Absolument. Puis il faut pas oublier que l'association étudiante musulmane de l'Université Laval a une feuille de route des plus notoires, c'est-à-dire que plusieurs personnes ultra-radicaux ont été invitées par cette association-là. Encore un qui a été couvert lors de Morelive, là, c'était le fameux imam Badawi, qui avait dont les propos radicaux avaient été rapportés là, par le journaliste des immigrants de la capitale. Qui, depuis ce temps-là, a mal à partir avec les islamistes. Absolument, il a été agressé alors qu'il voulait tout simplement aller l'interviewer puis le voir. Il a été agressé par les membres de l'association étudiante sur place. Alors il y a eu Ekrima Sabri qui a été invité par l'association étudiante qui plus tard, après le massacre de Mohamed Merah en France, a été interdit d'entrer sur le territoire français. À cause qui propageait des prêches ultra-radicales. Il a été invité dans une levée de fonds qui a été organisée aussi par l'association étudiante de l'Université Laval, qui a été invité dans le cadre d'une levée de fonds pour IRFAN Canada, qui non seulement a vu son statut de bienfaisance révoqué, mais qui est maintenant officiellement, depuis à peu près 3-4 semaines, sur la liste officielle des organisations terroristes canadiennes. Exact. Une décision du gouvernement fédéral. Ah, c'est gros, là. Ce qui est en train de se passer, c'est énorme, c'est gros. C'est-à-dire, on a vraiment... probablement, les autorités, ceux qui s'occupent de notre sécurité, sont complètement débordés. Alors, la seule affaire qu'ils peuvent faire, c'est de s'occuper de ces gens-là lorsqu'ils sont maintenant devenus des gens entraînés militairement. C'est-à-dire qu'ils sont allés en Syrie ou dans d'autres fronts, en Somalie ou au Cachemire. Et ils reviennent avec des compétences militaires. Et selon une interview qui a eu lieu en France, ces gens-là reviennent dans les mêmes réseaux qu'ils ont radicalisés, sont encadrés, sont encore plus isolés qu'ils ne l'étaient, parce que c'est un peu ça que l'imam Chaoui propose ici, c'est de pas regarder la télé, de pas regarder de la nudité, de pas faire ci, de pas faire ça, etc., etc., donc de pas se mélanger avec les autres. Ils reviennent et là, ce qu'on craint, c'est que le SCRS, autant la GRC et les autres, qui craignent, c'est qu'à un moment donné, quand les combats en Syrie vont se calmer, ils vont probablement agir ici localement. OK. Sans non plus capoter avec ça. Tu sais, faut pas... eux autres vont faire leur job pour nous protéger, c'est bien entendu. Mais faut pas non plus vivre dans la hantise d'une attaque appréhendée. Faut juste constater, puis tu le fais très bien, Marc, constater la présence d'éléments radicaux, la présence d'une mouvance radicale qui s'internationalise. Et en France, ils ont de gros questionnements là-dessus, là, sur la présence dans les banlieues d'éléments radicaux qui vont combattre en Syrie. Là. En France, là, c'est un sujet d'actualité important. Là. Ce qui est important de notre côté, c'est que nous, on vise toujours des organisations puis leur leadership. Exact. On travaille aussi avec des musulmans qui ont quitté ces pays-là pour... Et qui vous informent. Pour justement, pour à cause de ce radicalisme-là. Mais oui. Le problème aussi que le Canada fait face, c'est la réputation du Canada à l'étranger. On est rendu maintenant un exportateur de djihadistes, c'est-à-dire qu'ils ont été incubés ici. Comme la France. Avant de partir. Ah non, c'est inquiétant. Là. C'est pas... c'est inquiétant. Mais faut pas que tu regardes le soccer, là. Fais attention, les gars, Beden, tout ça, Marc, là, tu peux mal virer. Là. Tu peux mal virer. Hey, merci beaucoup, Marc. C'est une très belle contribution ce matin. Merci. Bye bye. Au revoir. Marc nous parlait donc d'un imam. On va écouter un petit succès souvenir dans Morelive. L'imam, donc, qui... de l'Université Laval, l'imam radical qui avait été dénoncé par notre chum roumain Mihai. Notre chum journaliste Mihai, donc, voici des conseils de mieux vivre. pour les femmes, surtout. Ouais, surtout, exactement. Les femmes, là, regarde, habillez-vous de manière plus décente, s'il vous plaît. Là. La aura pour l'homme, c'est entre le nombril et les genoux. Tandis que la aura pour la femme, eh bien, comme le hadith le dit, al-mar'atu aura. C'est-à-dire que la femme entière, toute entière, elle est aura. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rien voir de son corps. Radio X. T'as un téléphone intelligent?